Ça y est. Ça y est. Le grand jour est enfin arrivé. Ça y est. Ça y est. On va tous ensemble ce soir bien s'amuser. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on vous prépare ce moment-là. Ça y est. Ça y est. Le grand jour est enfin arrivé. Ça y est. Ça y est. On va tous ensemble ce soir bien s'amuser. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on vous prépare ce moment-là. Le spectacle va pouvoir commencer.